أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نقول الخفاة صلى الله عليه وسلم أجي من يلد الله به خيرا يفقهه في الدين، c'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien, lui facilite l'apprentissage de la religion. Et il a dit aussi « La yashba'u al-mu'minu min khayrin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah », c'est-à-dire le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin soit le paradis. Donc alors le sujet, vous avez vu, c'était sur les hadiths et les ayats explicites et ce qui n'est pas explicite. Et normalement vous êtes arrivé concernant le hadith de Al-Jariya, c'est bien ça, le hadith de la femme esclave. Donc comment c'est la croyance musulmane, la croyance de tous les prophètes, et que Allah Ta'ala n'a aucune ressemblance avec les créatures, Dieu n'a aucune ressemblance. Donc le résumé de cela, que Dieu est le créateur de toutes choses, que ce soit les corps palpables, les corps impalpables, et leurs caractéristiques, et obligatoirement, selon la raison, il n'a aucune ressemblance avec ses créatures. Donc ainsi, celui qui attribue de quantité, de localisation, de mouvement, d'immobilité, a nécessairement besoin de qui l'a spécifié ainsi, de qui l'a spécifié par cette quantité, cet endroit ou cette caractéristique, et celui qui a besoin n'est pas Dieu. Et ceci est conforme à l'ayah « Laysa kamithlihi shay », c'est-à-dire qui signifie « rien n'est tel que lui ». Et donc, toute croyance contraire à cela, c'est une croyance d'égarement. Toute croyance contraire à cette règle-là, donc elle est refutée. Donc la croyance musulmane est la croyance conforme à la raison, appuyée par les preuves selon la raison. Et les savants de l'islam sont unanimes. Toute croyance contraire à la raison saine, donc elle est rejetée. Et donc, parmi les règles, d'ailleurs dans le hadith, c'est que si le hadith rapporté, et qu'il a un sens qui contredit la raison, obligatoirement ce sens est le rejeté. Donc ça c'est une règle unanime chez les savants du hadith. Donc s'il a un sens qui est contraire à la raison saine, forcément ce sens-là il est rejeté. S'il admet un autre sens, donc nécessairement il est interprété dans ce sens-là, qui ne contredit pas la raison. Mais s'il n'admet pas d'autre sens que ce sens contraire à la raison, donc nécessairement ce hadith-là il est rejeté. Donc ça c'est une règle chez les savants du hadith. Parce que, comme on a déjà vu, la raison est un témoin de la religion. La base de la religion c'est le Coran et le hadith, mais la raison est un témoin. Ça veut dire que tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison. Et on a expliqué déjà c'est quoi la raison. Donc c'est important de le savoir. Donc il y a, selon c'est une caractéristique que Dieu a créée dans l'être humain, et la raison, jugement sur la raison, se divise en trois. Ce qui est obligatoire, impossible, ce qui est possible. Donc obligatoirement, le créateur n'a pas de ressemblance aux créatures. Il est impossible qu'il ait une quelconque ressemblance. Donc celui qui s'attache juste à quelque chose qui est rapporté pour attribuer à Dieu la ressemblance aux créatures, c'est que c'est qu'il est stupide en fait, c'est qu'il a une mauvaise compréhension. C'est qu'il est loin de la vérité. Et là, quoi qu'il fût ignorant, il n'a pas d'excuse. Quoi qu'il fût ignorant, il n'a pas d'excuse. Le fait qu'il s'est attaché à une croyance contraire, le fait qu'il s'est attaché à quelque chose de rapporté pour attribuer à Dieu la ressemblance aux créatures. Donc ça, c'est déjà une règle. Avant de rentrer dans les détails, les détails de la science du hadith, en fait, quelques détails, en fait. Mais déjà, c'est une règle. Comme on a dit, donc on répète la règle, c'est les savants, c'est toute chose rapportée. Si elle a un sens contraire à la raison, forcément, ce sens-là, il n'est pas voulu. Obligatoirement. Si elle admet un autre sens, on peut l'interpréter par un autre sens qui n'est pas contraire à la raison, nécessairement l'interpréter dans ce sens-là. Si elle n'admet pas autre qu'un sens contraire à la raison, nécessairement c'est rejeté, c'est-à-dire que le prophète n'a pas dit ça. Donc celui qui s'attache à des paroles rapportées, même s'ils sont rapportés dans plusieurs livres, donc pour attribuer à Dieu la ressemblance aux créatures, donc celui-là il s'égare, donc il est égaré, il n'a pas d'excuse pour le fait de s'être attaché à quelque chose de rapporté mais qui a un sens contraire à la raison, ou que lui il croit à cause de cela un sens contraire à la raison, il attribue à Dieu l'endroit ou la ressemblance aux créatures. Sur ça, il n'y a pas d'excuse. Dans la religion concernant les choses auxquelles on parvient avec la raison, il n'y a pas d'excuse. On parvient avec la raison, c'est-à-dire même si on n'a pas entendu que forcément le Créateur il est tout puissant, qu'il n'a pas de ressemblance, qu'il sait tout. Donc celui qui croit le contraire, il est. Donc ça, c'est de la mécréance claire et catégorique. Même s'il a été mis en doute par quelqu'un qui. Se fait appeler Cheikh ou un livre où il a mal compris un hadith, où il a été induit en erreur par quelqu'un d'autre, en fait il n'a pas la foi en réalité parce qu'il a une mauvaise croyance. Donc sur ça il n'y a pas d'excuse concernant les choses auxquelles on parvient avec la raison. Donc ça c'est une première chose à savoir. Avant, donc suite à cette règle, après les savants ils vont expliquer, interpréter donc les différents hadiths pour leur donner un sens conforme à la raison et conforme à la religion. Donc comme on l'a déjà dit, c'est donc le Coran, le hadith, donc il est interprété par les savants dans un sens conforme à la langue arabe, parce qu'il est en langue arabe, conforme aux autres ayats et hadiths explicites, parce qu'il n'y a pas un hadith qui contredit une ayat ou une ayat qui contredit une autre ayat, ou une ayat qui va contredire un hadith confirmé, et conforme à la raison. L'interprétation doit être remplir ces conditions-là, et conforme à la raison, elle doit être. Ça peut pas être une interprétation contraire à la raison. Donc, parmi ces choses rapportées, il y a donc ces textes de religion rapportés, il y a ce qu'on appelle le hadith al-jari. Donc, quant à ce qui figure dans le sahih de Muslim, qu'un homme est venu auprès du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a interrogé à propos d'une esclave à lui. Il aurait dit, selon cette version, j'ai dit au messager de Allah, si je la franchissais. Donc, Donc là, c'est une version rapportée. Il y a d'autres versions. Il y a des versions où, donc, il lui demande, le prophète, témoignes-tu qu'il n'est de Dieu que Dieu? Elle dit oui. Témoignes-tu que je suis le messager de Dieu? Elle dit oui. Et il y a une version où il dit, quel est ton Seigneur? Elle dit Dieu. Qui suis-je? Elle dit le messager de Dieu. Donc il y a des versions rapportées par Al-Bayhaqi et d'autres. Et là, c'est une version rapportée par Muslim. Et donc Nao, il a expliqué cette version-là. Donc on va voir. Donc voilà. Et il lui a dit, si je la franchissais, il lui a répondu, Itini biha. J'ai vu, fais-la venir. Il l'a fait venir et le messager lui dit, alors, donc dans la version de Muslim, Aïn Allah. Donc ici, donc on va voir, les savants, certains, ils ont réfuté cette version, certains, ils l'ont expliqué, comme on a dit la règle au début. S'il y a un sens qui contredit la raison, les serments, ils sont rejetés. Donc les savants, pour eux, c'est quelque chose de facile, ça. C'est pas, quelque chose qui va les mettre en doute, etc. Non. Ici, il admet un des sens de cette version contredit la raison. Le serment est rejeté, c'est logique, parce que c'est impossible que le prophète dise des choses contraires à la raison. Donc, dans le mot Aïna, il y a un sens qui contredit la raison, donc le où. Si, le sens de où ou celui de Dieu, nécessairement, contredit la raison, donc nécessairement, il est rejeté, ce sens-là, catégoriquement. Donc, ils vont voir, est-ce que dans la langue, ça a un autre sens? Donc, comme il a dit, Nawawi, dans son Sahih, commentaire, il a fait le commentaire de Sahih Muslim, en tome 3, il explique que, donc, dans le sens, c'est, ici, ça vise l'interrogation sur le degré, le mérite, non pas sur l'endroit. Chez les Arabes, on utilise Aïna pour dire quel est le degré d'un tel par rapport à un tel. Donc, globalement, ici, ça visait quelle est ta croyance au sujet de Allah. Elle a répondu Fis Sama. Donc, comme on a dit, si ça admet un sens contraire à la raison, c'est rejeté. Donc, la localisation dans le ciel au sujet de Dieu, c'est contraire à la raison. Donc, ce sens-là, il est rejeté, tout simplement. Donc, ils vont voir dans la langue. Est-ce qu'il y a un autre sens? Oui, dans la langue arabe, c'est utiliser fis sama, l'expression pour dire l'imminence. Chez les Arabes, ils l'utilisent. Même dans des dialectes, maintenant, ils l'utilisent. Ils disent, par exemple, il y a une expression, en Algérie ou autre, ils disent rask fis sama. Ça ne veut pas dire que ta tête est dans le ciel, ça veut dire que tu as la tête haute. Et dans la langue aussi, dans la langue, s'il y a des expressions qui admettent plusieurs sens selon le contexte, on va prendre le sens selon le contexte. Je te donne un coup de main, il n'est pas visé un coup de main, il est visé ici aider. Donc, Fissama, ici, ça, c'est pour indiquer l'imminence de Dieu. Il lui a dit, Man ana, qui suis-je? Elle a dit, Anta Rasulullah, ce qui signifie tu es le messager d'Allah. Il a dit, E'atiqha fa inna mu'mina, ce qui signifie affranchis-la, elle est certes croyante. Donc, voilà ce qu'on a expliqué, ce qu'elle a dit Nawawi. Donc il y en a des savants, ils l'ont confirmé avec l'explication qu'on a donnée. D'autres, ils l'ont rejeté pour d'autres raisons. Donc on va voir. Donc ce hadith n'est pas sahih pour deux raisons. Pour al-ihtirab, donc c'est parmi les règles dans la science du hadith, c'est vaste. L'ihtirab est le caractère d'un hadith qui se rapporte à un seul et même événement, mais qui est rapporté par plusieurs versions contradictoires, aucune d'entre elles n'étant prépondérante sans qu'on puisse trouver d'interprétation ni de compatibilité de sens entre les versions. Il est nécessairement faible, comme l'a dit le Hafiz al-Iraqi. Donc un des grands savants du hadith, l'imam al-Iraqi. Donc, car il a été rapporté avec ces termes et avec l'expression « marrabbuki » qui signifie qui est ton Seigneur. Elle a dit « Allah » et avec les termes « Aïna Allah » elle a alors pointé le doigt vers le ciel. Et avec les termes « Atashhadina an la ilaha illallah » ce qui signifie « Témoignes-tu qu'il n'est de Dieu que Allah » elle a dit « Oui ». Il a dit « Atashhadina anni Rasulullah » ce qui signifie « Témoignes-tu que je suis le messager d'Allah » elle a dit « Oui ». Donc c'est ce qu'on a dit au début, il y a plusieurs versions. Donc la deuxième raison, la version dans laquelle il est dit « Aïna Allah » est contraire au fondement. Donc il y en a... Donc Nawawi fait partie de ceux qui l'ont confirmé en l'interprétant comme on l'a dit. Il y en a d'autres, ils l'ont carrément rejeté, tout simplement, en se basant sur ce qui a été dit là, les versions... contradictoire. Et deuxième raison, la version dans laquelle il dit Aïna Allah est contraire au fondement. Car parmi les fondements de la charia, il y a qu'un individu n'est pas jugé musulman sur sa parole Allah fi sama. Car cette parole est commune aux juifs, aux chrétiens et à d'autres qu'eux. Le fondement connu dans la charia de Allah, c'est ce qui se trouve dans le hadith mutawatir. Mutawatir, c'est le hadith rapporté par plusieurs en même temps. Plusieurs. C'est plus fort que le hadith sahih. Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ce qui signifie j'ai été ordonné de combattre donc les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'est de Dieu que Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Donc c'est connu, on juge quelqu'un musulman quand il dit les deux témoignages, pas il dit Allah fi sama. C'est pour cela qu'il y en a, ils l'ont réfuté. Et ceux qui l'ont confirmé, ils l'ont interprété. C'est-à-dire les deux groupes, ils sont d'accord que Dieu ne ressemble pas aux créatures. Mais il y en a, ils ont réfuté carrément. Il y en a, ils l'ont confirmé avec l'interprétation, car dans la langue arabe, il existe donc une interprétation, linguistiquement. Mais on a vu la règle aux communes, si... dans la langue arabe, il n'existe aucune interprétation qui n'a qu'un seul sens qui contredit la raison, tous ils le rejettent. Donc, quant au terme de la version de Malik, Atashhadina, donc la version Atashhadina, elle est rapportée par Malik. Témoignes-tu qu'il n'est de Dieu que Allah, elle est conforme au fondement. On juge musulman parce qu'il témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu. Donc voilà le détail concernant cela. Maintenant, pour aller plus loin, en fait, c'est pour aller plus loin, si quelqu'un dit comment la version de Muslim, Aïna Allah, et elle a répondu Fissama jusqu'à la fin du hadith, serait-elle rejetée alors que Muslim l'a rapporté dans son livre et tout ce que Muslim a rapporté est censé être sûr. Donc ça c'est pour rentrer dans les détails, mais sinon, si on reste au début, c'est que même Muslim, s'il l'a rapporté, lui il ne croit pas à l'assimilation de Dieu. Il l'a rapporté en y croyant comme Nao il a expliqué son livre. Nao il a expliqué le livre de Muslim, il a expliqué ce passage-là, et c'est, donc il y a dans son livre l'explication qu'on a citée, on a cité en résumé. Il dit dans cette explication même que il y a unanimité chez les savants, il rapporte la parole de l'Qadi Iyad, qu'il y a unanimité chez les savants de l'islam, qu'ils soient spécialisés dans le tafsir, dans la grammaire, ou dans le hadith, ou dans le fiqh, que tout ce qui est rapporté avec le terme, donc les textes semblables à Allahu fi sama, ils sont interprétés chez tous les savants. Ça ne vise pas Dieu dans les ciels, mais ça vise l'imminence. Ça, c'est ce qu'il a dit Nawawi en expliquant ce hadith. Donc, et parmi les preuves de ceux qui refutent, carrément le hadith, c'est qu'ils disent, ils rétorquent en disant, si quelqu'un dit comment la version de Muslim, Ayyan Allah, a répondu Fissama jusqu'à la fin du hadith, serait-elle rejetée alors que Muslim l'a rapporté dans son livre, puisque Muslim rapporte est censé être sûr. La réponse est que les savants du hadith ont rejeté un certain nombre de hadiths de Muslim. Les muhaddith les ont cités dans leur livre, par exemple. Donc voilà, là, il dit, bon, nous on sait, même si Muslim l'a rapporté, ce qui est forcément, il croit au bon sens du hadith, pas au mauvais. Maintenant, en suivant les règles de ceux qui ont rejeté, même si Muslim l'a rapporté, il est rejeté quand même, et leur preuve c'est ça. C'est qu'il y a d'autres hadiths, il n'y a pas que celui-là, que les savants ils ont rejeté. Même si Muslim l'a rapporté, ça veut dire que Muslim aussi peut se tromper dans les hadiths. Et tout en sachant que ceux qui ont confirmé, donc ils l'ont interprété. C'est que même Muslim, si lui, il l'a rapporté, mais il ne croit pas au mauvais sens. Ça, c'est important de le savoir. Donc ceux qui croient au mauvais sens n'ont aucune preuve, en réalité, et aucune référence. Et ils sont égarés, en réalité, tout seuls. Ceux qui n'ont aucune preuve d'un vrai savant, parce qu'aucun vrai savant ne le confirme en prenant le mauvais sens. Donc il y a ceux qui le confirment en prenant le bon sens, et ceux qui rejettent avec leurs preuves en disant que donc certains d'autres hadiths ont été rejetés et qu'il les a rejetés. Donc, alors parmi les hadiths, c'est que le messager aurait dit à un homme Inna abi wa abaka fi an-nar, ce qui signifie certes mon père et ton père iront en enfer. Parce que les savants, ils ont dit que les grands savants, ils ont dit les parents du prophète, ils vont être, c'est-à-dire, ils vont pas aller en enfer. Beaucoup, ils ont dit c'est des musulmans. Et dans tous les cas, ils ont dit ils n'ont pas entendu l'appel à l'islam, donc ils vont pas en enfer. Mais beaucoup, ils ont dit en fait, c'est des musulmans. Donc sur cette base, ils ont rejeté ce hadith-là, parmi les hadiths de Muslim, où il est cité, certes, mon père et ton père en enfer. Et le hadith dans lequel il aurait dit qu'il sera donné à chaque musulman au jour du jugement, fida'an lahu min al-yahudi wa nasara. Donc un autre hadith aussi qui parle du jour du jugement, que sera donné aux musulmans une compensation des juifs, des chrétiens. Et de même, le hadith de Anas, dans lequel il aurait dit j'ai fait la prière derrière le messager de Allah, Omar et Abu Bakr, ils ne récitaient pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, certains savants, ils ont rejeté. Certains, par exemple, chez les Malikites, ils ne récitent pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ils sont basés sur hadith là. Et ils ne commencent pas la Fatiha par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mon avis plus fort, c'est de commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais vous verrez, certains oubleds, ils commencent directement Alhamdulillah Rabbil Alamin, les imams. Ils suivent un des avis des Malikites. Alors, le premier hadith qui a été jugé faible, daif par le Hafd al-Suyuti, les hadiths que les gens ils ont rejetés, les savants de Muslim. Le deuxième a été rejeté par Al-Bukhari. Voilà, le grand savant, celui dans lequel dit ton, certes mon père et mon père en iront en enfer. Le troisième a été jugé faible, daif par Al-Shafi'i. Donc, par un certain nombre de hafiz. Donc le premier a été jugé faible par le Hafd al-Suyuti. Voilà, c'est celui qui dit certes mon père et ton père est en enfer. Le deuxième a été rejeté par al-Bukhari, celui qui parle d'une chose qui se passe dans l'au-delà. Et le troisième a été jugé faible par Shafi'i. C'est pour ça que chez Shafi'i il faut réciter Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans la Fatiha. Le chef, c'est un savant des hadiths aussi. Hein. Donc les quatre écoles, de toute façon, ils avaient la science du hadith. Donc le hadith de la femme esclave, selon le sens apparent, est faux. Pour son opposition avec le hadith, Mutawa était précédemment cité. Or, le texte qui contredit le mutawat, il est faux, s'il n'accepte pas d'interprétation. Les muhaddith et les savants spécialistes des fondements ont été en accord à ce sujet. Mais certains savants l'ont interprété selon le sens suivant. Ils ont dit que Aïna Allah signifie l'interrogation sur sa glorification de Allah, et que sa réponse, Fissama, signifie qu'il est plus puissant que tout autre, et sait plus que tout autre. Quant à en retenir le sens apparent, c'est-à-dire qu'Allah arbitre le ciel, c'est faux et rejeté en raison de ce qui a été établi. En effet, son sens apparent est manifestement faux, car il signifierait qu'un mécréant qui dirait Allah fissama serait jugé croyant. Quant au mushabbiha, ils ont retenu le sens qui vient communément à l'esprit, et ils se sont ainsi égarés, et leurs paroles, nous interprétant la parole fissama par le fait qu'Allah est au-dessus du trône, ne les sauve pas de l'égarement. Bien sûr, c'est l'égarement. Par conséquent, ils auront ainsi confirmé à son sujet un semblable. Donc dire déjà au-dessus, ça veut dire une localisation. Donc ça, c'est le dernier créance. Par conséquent, ils auront ainsi confirmé à son sujet un semblable qui serait l'écrit dans lequel Allah a fait écrire Inna rahmati sabaqad ghadabi. Donc là, c'est des détails plus poussés en fait. Donc c'est des détails plus poussés pour dire que c'est faux. Mais il faut bien garder à l'esprit ce qu'on a dit au début, c'est que du moment qu'il a fait ressembler Dieu à ses créatures, il n'y a pas d'excuse, même s'il ne connaît pas tous ces détails-là. Mais ça, c'est vraiment poussé. Donc le cheikh, rahimahullah, donc ça réplique à des gens qui vont aller loin. Ils ont une science de hadith. Il y a des gens égarés, mais ils ont une science du hadith. Donc là, ça, vraiment, ça, c'est pour leur répliquer catégoriquement, en fait. Mais du moment à la base, sans aucun détail, quelqu'un qui attribue à Dieu la localisation, la quantité, même s'il dit, il prétend tel ou tel hadith, il est égaré. Parce que selon la raison saine, c'est impossible que le créateur ressemble aux créatures. Donc c'est impossible que le prophète dise une chose contraire à la raison. Après, il y a la réplique par voie de science du hadith, les détails de la version rapportée, etc. Il y a la réplique juste par la raison, tout simplement. Il y a la réplique avec les détails des règles de texte rapportées. Donc, parmi les preuves aussi que c'est faux, c'est que de ce qu'ils disent, eux, qu'il est au-dessus du trône, c'est qu'il est cité dans un hadith qui a un livre dans lequel Allah a fait écrire Inna rahmati wa sabaqad ghadabi, ce qui signifie certes les manifestations de ma volonté de faire miséricorde sont plus nombreuses que les manifestations de ma volonté de châtier. Donc ce qui est manifestation de la miséricorde de Dieu est plus nombreux que les manifestations du châtiment de Dieu. Par exemple, les anges sont très très nombreux, ils sont tous musulmans. Sont plus nombreux que tous les mécréants. Le paradis, c'est plus grand que l'enfer. Cet écrit se trouvant au-dessus du trône, ils auront ainsi confirmé la similarité entre Allah et ce livre, car leur croyance impliquerait que Allah et cet écrit seraient tous les deux établis au-dessus du trône. Donc ils auront ainsi démenti la parole de Allah Ta'ala, laïsa kamithlihi shay, ce qui signifie rien n'est tel que lui. Donc comme on a dit, ça c'est pour aller loin, Mais quelqu'un qui raisonne correctement, sans aller aussi loin, celui qui est au-dessus de quelque chose, il a une quantité. Une localisation a besoin de qui l'a spécifié. Celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Tout simplement. Donc, c'est, selon cette croyance qui est la leur, Allah ferait nécessairement face au trône, de la taille du trône au plus large que lui ou plus petit. Or, tout ce qui est quantifié a forcément un début à son existence et besoin de qui l'a fait selon cette taille. Il n'y a aucune correspondance entre le trône et Allah. Il n'y a aucune correspondance entre le trône et Allah, tout comme il n'y a aucune correspondance entre Allah et l'une de ses créatures. Donc Dieu n'a besoin de rien. De plus, Allah n'augmente pas en honneur grâce à l'une de ses créatures, il ne tire aucun profit de l'une d'entre elles. Dieu n'a pas besoin d'eux. Plus encore, la parole des Mushabbiha que Allah est assis sur le trône est une insulte à l'encontre de Allah, car le fait de s'asseoir fait partie des caractéristiques des humains, des animaux, petits ou grands, et des djinns. Donc toute signification, donc là c'est important de savoir, toute signification parmi les significations des humains, si Allah en était qualifié, serait une insulte à l'encontre de Allah. Donc ça c'est important de savoir. Parce que c'est dit dans un hadith que Qudsi, Allah Ta'ala dit, donc le prophète alayhi salatu wasalam dit, ce qui signifie Allah Ta'ala dit, donc le fils de Adam m'a insulté et il n'a pas à faire cela, et il a expliqué le fait de l'insulter, c'est de lui attribuer donc un fils. Donc comme il a dit, attribuer à Dieu ce qui est pour les créatures, c'est une insulte pour Dieu. Dire que Dieu mange, ou dire que Dieu dort, ou dire que Dieu est un fils, que ça soit, c'est une insulte envers Dieu. Donc il est mécréant. Donc ça c'est important de savoir, parce que il y a des gens qui ils disent Dieu ne ressemble pas aux créatures. Donc ça c'est important de savoir. Ils disent Dieu ne ressemble pas à ses créatures, rien n'est tel que lui, c'est de l'égarement, ce qui est fait en ressemble Dieu à ses créatures, c'est faux. Ils disent plus, ils vont dire c'est faux. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Et là, c'est très dangereux. Donc, c'est une des sectes qui existent maintenant. Ils disent, mais on ne déclare pas mécréant. Pour eux, mécréant, c'est qu'il a insulté Dieu. Donc, il faut important de savoir que le fait de faire ressembler Dieu à ses créatures, c'est une insulte. C'est ça qu'il faut montrer. Quand on dit un de vous, il a des enfants, c'est pas une insulte. Si on dit Dieu a des enfants, c'est une insulte. On dit à quelqu'un, il mange. Mais si on dit Dieu mange, c'est une insulte. Parce que il y en a, ils sont stupides en fait. Ils ont des fois, il faut aller loin, expliquer comment vraiment un petit enfant, détailler petit à petit. Donc ça nous est déjà arrivé. Surtout certains gens de certains âges, ils sont pas habitués à réfléchir. Donc ça c'est la réalité. Ils sont pas habitués à raisonner, à lier ça avec ça. Il a fait ressembler à ses créatures, donc il a et celui qui ressemble aux créatures a besoin de qui l'a spécifié, etc. Donc ils n'ont pas habitué que ça travaille pour en fait lier ces choses-là, pour déduire un jugement en fait. Donc il a besoin de les accompagner dans cela, de dire voilà, donc le fait qu'il attribue à Dieu la position assise, donc comme c'est un attribut des créatures, donc c'est une insulte envers Dieu. Et ça implique la localisation, la quantification. Donc bien sûr, c'est de la mécréance, selon l'unanimité. Il y a des gens qui disent « Cheikh, attention », ils disent « Cheikh », ils disent « Ash'arid, Sunnite », etc. À notre époque aussi. Vraiment, cette époque-là, ils parlent et ils disent « Bien sûr, le hadith al-Jahya n'a pas le sens que Dieu habite le ciel, Dieu il est sans endroit, sans comment, il ne ressent pas ses créatures ». Mais ceux qui disent que Dieu habite le ciel, c'est des musulmans, on ne les déclare pas mécréants. Et ça, c'est vraiment contraire à la religion. D'accord? Donc, il y a des chers, des docteurs qui disent ça. Ils ont le diplôme de docteur, ils disent ces choses-là. Bon, souvent, il y en a aussi des gens haut placés, ceux qui touchent de l'argent aussi, mais il y a des gens qui les suivent bêtement. Donc, celui qui adore une créature, c'est un mécréant. Parce que celui qui dit que Dieu il a une quantité qu'il habite le ciel, c'est il n'adore pas Dieu en fait, il adore une imagination. Parce que Dieu, le créateur du monde, n'habite pas le ciel. Donc lui, il adore une imagination. Donc il n'adore pas Dieu, donc il est mécréant. Donc ces détails-là, pas à pas, c'est important de certains les accompagner pour qu'ils comprennent ça. Parce qu'il y en a, ils peuvent... parce qu'il y en a, ils font de la mise en doute. Comme il a dit le prophète, il a dit, il a dit, parmi ce que j'ai craint pour ma communauté, quelqu'un qui est égaré, mais qui sait parler, pour mettre le doute chez les gens. Et parle, les gens, ils suivent aveuglément, ils sont aveuglés par... En fait, il a été rapporté même, il y en a, ils font la magie, comme de la magie en parlant. Ils vont dormir les gens, en fait. En parlant, il dit le faux, en fait. Si quelqu'un ne sait pas décortiquer, la règle, elle est là. Celui qui fait ressembler Dieu à ses créatures, il n'a pas utilisé sa raison, donc il est égaré. Selon la raison, Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Donc le Hafez Faqih, linguiste Murtada Az-Zabidi, donc les savants ils disent tout simplement, il n'est pas musulman parce qu'il ne lui a pas été confirmé la foi. Donc il faut qu'il devienne musulman. C'est aussi simple que ça. Il est mécréant parce qu'il n'adore pas Dieu, il adore une créature. Donc l'islam c'est adorer Dieu. Donc il adore pas Dieu tout simplement. C'est pas parce qu'il a l'apparence ou qu'il se dit musulman. C'est pas par les sentiments l'islam. Il n'a pas l'islam, la porte est ouverte pour qu'il se convertisse. Ah, il veut pas, c'est lui qui veut rester dans l'égarement. Donc le Hafiz Faqih, linguiste Murtada Az-Zabidi a dit, celui qui considère que Allah est quantifié par une quantité a mécru. Donc voilà, et même l'imam Ahmad il a dit, celui qui dit que Allah est un corps mais pas comme les corps, il est mécréant. Car il aura considéré que Allah considéré que Allah a une quantité et un volume, alors que le volume et la quantité impliquent obligatoirement le début à l'existence. Or, comment a-t-on su que l'existence du soleil a un début et que le soleil est créé grâce au jugement rationnel, si ce n'est par le fait que le soleil a un volume? Si Allah avait un volume, il serait semblable au soleil, dont le fait d'avoir un volume, s'il était ainsi, il n'aurait pas la divinité, tout comme le soleil n'a pas la divinité. Par conséquent, si un adorateur du soleil demandait aux mushabbiha une preuve rationnelle que la divinité est pour Allah et qu'elle n'est pas valable pour le soleil, il n'en aurait pas. Au plus, il pourrait dire, Allah Ta'ala dit, Allah khaliqu kulli shay. Ce qui signifie Allah est celui qui crée toute chose. S'il disait cela à l'adorateur du soleil, il leur répondrait, moi je ne crois pas en votre livre, donnez-moi une preuve rationnelle que le soleil ne peut pas avoir la divinité. Là, il se tairait. Donc, mais un musulman, un vrai musulman, parce qu'il se prétend musulman, il dira, le soleil, il a une forme, une quantité, il a besoin de qui l'a spécifié, de qui l'a fait, l'a spécifié par le fait qu'il se lève à l'est au lieu de l'inverse, etc. Et celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu, et Dieu donc n'est pas concerné par l'endroit ni le changement. Parce que celui qui adore le soleil, il leur dirait, vous adorez quelque chose que vous dites qu'il habite. Donc vous adorez une chose qui a une quantité, comme moi j'adore quelque chose qui a une quantité. Alors pourquoi voulez-vous que je suive votre religion? Et il pourrait dire même, sauf que moi on le voit, il le plante, et vous dites qu'il est quelque part là-haut, mais on le voit pas. Donc, on va dire qu'on a des points en commun, c'est que vous adorez quelque chose qui est incontifié, moi aussi. Et pourquoi je suivrai votre religion? Là, il se tairait. Donc, ainsi, il n'existe rien de vivant au-dessus du trône, mais il y a un livre au-dessus du trône dans lequel il est écrit « Inna rahmati sabaqat ghadabi », c'est-à-dire que les manifestations de la volonté de faire miséricorde sont plus nombreuses que les manifestations de la volonté de châtier. Les anges sont une des manifestations de la volonté de faire miséricorde. Ils sont plus nombreux que les gouttes de pluie et les feuilles des arbres. Le paradis aussi est une manifestation de la volonté de faire miséricorde. Il est plus grand que l'enfer des milliers de fois. Le fait que ce livre se trouve au-dessus du trône est confirmé. Le hadith qui le prouve a été rapporté par le Bukhari et An-Nasa'i dans As-Sunan al-Kubra et d'autres que. La version de Ibn Hibban est... Donc voilà les preuves qu'il y a un livre au-dessus du trône. Donc ça, c'est en fait, ça leur réplique vraiment, parce qu'eux, ils ne raisonnent pas. Donc il y a besoin des choses rapportées aussi pour leur répliquer. On dira non, non, la raison, nous... Alors que juste on a vu, par une simple preuve de la seule raison, on sait que le fait d'attribuer à Dieu la localisation est catégoriquement faux. Donc là, il y a les versions rapportées qui appuient tout ça. لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ Donc la version de Ibn Hibban est لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابٍ يَكْتُبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ مَوْضُوعٌ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي. Ce qui signifie, lorsqu'Allah a créé le monde, il a fait écrire un écrit dans lequel il y a sa promesse et qui se trouve au-dessus du trône. Certes, les manifestations de ma volonté de faire miséricorde sont plus nombreuses que les manifestations de ma volonté de châtier. Donc, la version d'Ibn Hibban, ça. Et rapportée par Al-Bukhari al-Nasa'i dans Sunan al-Kubra. Si quelqu'un essaye d'interpréter Fawqa par Duna, il est dit l'interprétation des textes ta'wil n'est permise qu'avec une preuve textuelle confirmée ou un argument rationnel catégorique. Or, ils n'ont aucun des deux. Parce qu'eux, ils vont loin dans l'égarement, ils vont dire, ah, on va interpréter, et si fauqa, ça veut dire, ça ne veut pas dire au-dessus, ça veut dire en-dessous. Et la règle, dans la religion, on n'interprète pas comme ça, avec les mots. Donc, on interprète s'il y a quelque chose qui pousse à l'interprétation, une preuve, selon la raison, ou selon le texte confirmé qui pousse à l'interprétation, et là, il n'y a pas besoin d'interpréter. Le livre, il est au-dessus, donc il est dit qu'il est au-dessus du trône. Il n'y a pas, ça ne contredit pas la raison, le livre, il est au-dessus du trône. Il n'y a pas un texte confirmé qui va le contredire, donc il n'y a pas besoin d'interpréter. Donc on interprète quand ça contredit la raison, ou qu'il y a un autre texte plus fort qui va le contredire. Donc il faut chercher une interprétation. Mais là, il n'y a pas. Le livre est au-dessus du trône. Ça ne contredit pas la raison, ni les ayats du Coran, ni les hadiths. Il n'y a pas un hadith qui dit qu'il n'y a rien au-dessus du trône. Et selon la raison, il est au-dessus du trône. C'est deux créatures, donc il n'y a pas de contradiction. Donc de plus, il n'y a aucune preuve de l'obligation de faire le ta'wil dans ce hadith. Comment se... Serait-ce le cas alors qu'un des savants a dit que la table préservée est au-dessus du trône? Donc il y a encore une autre preuve, selon les textes, que selon certains savants, il y a d'autres choses, des créatures au-dessus du trône. En fait, pour réfuter leur mise en doute, parce que eux disent d'accord, Dieu, bon, il est sans endroit, mais il est au-dessus du trône. C'est contradictoire. Comme eux, ils sont très très stupides. Donc, là, avec les textes, et ils vont dire, ah non, sur Quran, Hadith, on ne raisonne pas. Donc voilà les textes qui disent qu'il y a quelque chose, il y a des créatures au-dessus du trône. C'est-à-dire que c'est comme si vous dites Dieu comme ces créatures-là. Alors, comme on l'a dit, sans tout ça, c'est clair, sans la raison. Donc, effectivement, il n'a pas été mentionné. Donc, il y a le livre, il y a en plus, selon l'avis des savants, la table réservée au-dessus du trône. D'autres créatures, non. Effectivement, il n'y a pas été mentionné le texte disant explicitement qu'elle est au-dessus du trône, ni qu'elle est en dessous. Donc, ça admet les deux cas. Les deux cas restent possibles, que la table préservée soit au-dessus du trône et qu'elle soit en dessous du trône. Par conséquent, selon sa parole, que Allah serait au-dessus du trône, le Mushabbiha aura considéré que la table préservée serait en égalité avec Allah. C'est-à-dire qu'Allah fait face une partie du trône et que la table fait face à une autre partie du trône. Donc voilà la minutie, en fait, comment c'est minutieux la réplique. De plus, ceci revient à l'assimiler à ses créatures, car le fait de faire face à une chose compte parmi les attributs des créatures. Quand tu es au-dessus, c'est quelque chose, tu es en face de la chose sur laquelle tu es au-dessus. Donc il y a la version encore, donc de preuve, la version de Nasa'i dans As-Sunan al-Kubra est la suivante. Il y a la version de Ibn Hibban sur le livre, il y a la version de Nasa'i. Inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqa, donc il manque un point sur le fa. Donc il manque un point. Et donc qabla an yakhluqa, noir. إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض باش سكونتايا دون الحديث عن العربي ممكن قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة فهو عنده على العرش وإنه أنزل من ذلك الكتاب آيتين ختم بهما سورة البقرة. Donc, ce qui signifie, certes, Allah a fait écrire un écrit 2000 ans avant la création des cieux et de la terre. Cet écrit est dans un endroit honoré au-dessus du trône. Il a fait descendre de cet écrit deux ayats par lesquels il a fait achever, il a fait s'achever Surat al-Baqarah. Voilà. Donc, pour le livre, donc il y a des créatures au-dessus du trône. Dans la version de Muslim, فهو موضوع عنده. Ceci est donc clair, le fait que c'est écrit au-dessus du fauqa, du trône, d'une fauqiya, au sens premier du terme, n'acceptant ni aucun ta'wil, interprétation. Donc eux, ils cherchent à interpréter pour les créatures et pour le créateur. Ils disent non, ils veulent que l'assimiler aux créatures. Parce que la créature, ça, elle admet au-dessus et en dessous. Et pourtant, ils veulent interpréter. Alors, au-dessus du Dieu qui n'admet pas tous ces caractéristiques des créatures, eux, donc, ils lui attribuent ces caractéristiques qui ne sont pas nignes de lui. De plus, le terme Inda est pour l'honneur et non pas pour confirmer la localisation de Allah au-dessus du trône. Inda ici, ça ne veut pas dire, on ne dit pas auprès de Dieu, mais selon le jugement de Dieu. Car Inda s'utilise pour d'autres que l'endroit. Allah Ta'ala dit وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ. Inda n'indique pas que le fait que cela est conforme. Non, ici, ça indique. N'indique que le fait que cela est conforme à ce que Allah sait et non pas que ses prières, ses pierres seraient voisines de Allah Ta'ala dans un endroit. Donc ici, là, elle parle d'un peuple, Dieu l'a envoyé sur eux des pierres, afin que ça batte sur eux des pierres. Et il a le mot « inda ». Ici, « inda » ne vise pas que chez Dieu, mais dans le sens selon la science de Dieu ou selon le jugement de Dieu. Par conséquent, si quelqu'un argumente par simple fait qu'il y ait le terme « inda » pour confirmer l'endroit et la proximité par la distance entre Allah et ses créatures, il fait partie des plus ignorants des ignorants. Comme on a décidé, prend juste un mot juste pour attribuer, contredire la raison, c'est qu'elle est stupide. Quelqu'un doté de raison dirait-il que ces pierres qu'Allah a fait descendre sur ses mécréants seraient descendues du trône vers eux et qu'elles auraient auparavant été entassées dans un endroit à côté d'Allah au-dessus du trône, selon leurs prétentions? Donc, en fait, voilà, après, donc il y a d'autres hadiths qui vont être cités, qui montrent aussi que si ces hadiths-là, si on les prend au sens apparent, si eux ils prennent tout au sens apparent, ils vont dire que Dieu est par là, en haut, en bas, et quelque part sur terre, etc. Parce que ces hadiths-là, ils ont des sens figurés. Mais s'ils prennent tout au sens apparent, ils vont se contredire eux-mêmes d'ailleurs. Parce qu'il y a ce hadith-là qui dit, rapporté par le Bukhari, le prophète والسلام, il dit إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْسُخَنَّ فِي قِبْلَتِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ. Ce qui signifie, si l'un de vous, dans sa prière, certes, il implore son Seigneur, qui ne crache pas donc dans la direction de sa qibla, ni à de sa droite, certes, la miséricorde de son Seigneur se trouve entre lui et sa qibla. Si on prend mot à mot, c'est donc, ça donnerait, certes, son Seigneur est entre lui et sa qibla. Mais ici, c'est pas. Donc, si eux, ils prennent tout sans savoir, ils vont dire, ah, il est entre Dieu, il est entre la personne et la qibla, il est en haut. Et etc, etc. Alors qu'ici, c'est un sens figuré. Et eux, le prophète, il ne faut pas oublier aussi, à l'époque, il parlait l'arabe parfaitement. Donc, quand quelqu'un il parle le français, on te dit, je te donne un coup de main, il va comprendre. Mais quelqu'un, je ne sais pas, il vient d'un endroit qui n'est pas en France, il ne comprend pas le français, il ne comprend que des mots. Il ne va pas comprendre. Quelqu'un comprend tout de suite parce qu'il comprend le français. Donc eux ils comprenaient les sens figurés tout de suite parce qu'ils comprennent parfaitement l'arabe. Donc c'est les sens figurés. Ici ça s'appelle majaz ou hadaf, sens figuré par omission. Ça existe en français, par exemple on dit tel roi il a construit la ville. C'est un sens figuré, c'est-à-dire les gens sous l'ordre du roi, mais ça a été omis. Les gens sous l'ordre du roi, ça a été omis, sens figuré par omission. On dit président Bush, il a envoyé l'Irak. Les gens, ils disent ça. Ça veut dire Bush lui-même, il est parti tout seul, rentré. On dit dans l'histoire, ah, tel roi, il a construit telle ville, et il a gagné contre ça, il a vaincu. Ça veut dire que lui, tout seul, il a vaincu toute une armée. Mais c'est des sens figurés par omission. Ça veut dire on a omis les soldats sous l'ordre du roi, ou les architectes à l'époque de tel roi. Voilà. C'est les sens figurés par omission. Donc en arabe, c'est encore plus riche. Donc il existe ces sens-là, qui dans le hadith, un autre hadith dans lequel aussi il polémique, c'est le hadith al-Nuzul. Yanzilu Rabbuna, c'est-à-dire, Yanzilu Malakur Rabbin, l'ange de Dieu descend. Donc cette phrase, donc il y avait une omission dedans, c'est un sens figuré par omission. C'est-à-dire, l'ange de Dieu, la miséricorde de Dieu descend. Donc, comme en français, ça existe. Donc vous voyez, le sens figuré existe. Et les gens ne refusent pas. Quand on dit tel roi, il a envoyé tel pays, ou on dit tel assassin, les slogans dehors, assassin. Alors que lui, ça se trouve, il n'a jamais tué une mouche. Mais parce qu'il a envoyé des soldats tuer des gens. On a entendu dans les infos ça, un tel assassin. Parce que lui, c'était le chef. Ça veut dire. Lui, des gens ont assassiné sous son ordre. Tout ça, ça a été omis, sens figuré par omission. Majaz ou hadaf. Donc, ce sens figuré par omission, il est valable au sujet de Dieu. Mais le sens figuré par assimilation, c'est pas valable au sujet de Dieu. On dit un tel est un lion. C'est-à-dire, il est fort comme un lion. Mais au sujet de Dieu, c'est pas valable. C'est le sens figuré par assimilation. Par assimilation, c'est pas valable. Mais par omission, c'est valable. En arabe, je parle. Par mission, comme Yanzilu Rabbuna, Waja'a Rabbuka wal Malaku Safan Safa. Waja'a Rabbuka, ça veut dire Dieu il se déplace. Ça veut dire la manifestation de la puissance de Dieu est venue. Comme dit l'imam Ahmed. Mais on ne peut pas utiliser le sens figuré par assimilation au sujet de Dieu. Par omission, c'est utilisé. Majaz ou Hadaf. En arabe. Donc, voilà. Donc, on finit avec un hadith. Ce hadith donc, a une chaîne de transmission plus forte que celle du hadith de la femme esclave. Donc, celui qui parle de la Qibla, que la miséricorde de son Seigneur. Donc, vous voyez, donc, ce qui est omis a été mis entre crochets. de son Seigneur se trouve entre lui et sa qibla, ce hadith est encore le plus fort dans la chaîne de transmission que hadith donc al-Jariya. De même, Al-Bukhari a rapporté aussi d'après Abu Moussa al-Ash'ari que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba innakum tad'una sami'an qariba wa alladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilati ahadikum. Ce qui signifie: épargnez-vous force, vous n'invoquez ni un sourd ni quelqu'un à la science duquel les choses échappent. Certes vous invoquez donc celui qui entend et qui sait toutes choses de vous. Là aussi, si on prend le sens apparent, donc si la personne prend le sens apparent, elle dirait que celui que vous invoquez, il est plus proche de vous que le coup de sa monture. Donc là, s'ils prennent tout au sens apparent, ils vont donc se contredire. Mais ici, c'est un sens figuré qui est utilisé dans le Coran aussi, wa nahnu aqrabu ilayhi min habli al-warid, dans sourate Qaf. Ici, c'est un sens figuré pour dire que Dieu sait de nous plus que nous. Ça veut pas dire que Dieu est plus proche que la veine. Si quelqu'un prend un sens apparent, il dirait Dieu est plus proche que la veine de la personne. C'est dans le Coran, wa nahnu aqrabu ilayhi min habli al-warid. Ça veut dire que Dieu sait de la personne plus qu'elle. C'est de nous plus que nous. C'est la réalité. Donc on répond alors à celui qui contredit. Si tu considères le hadith de la femme esclave selon le sens qui vient communément à l'esprit, ces deux hadiths selon leur sens qui vient communément à l'esprit, ta prétention qu'Allah est dans le ciel est annulée. Si en revanche tu interprétais ces deux hadiths et tu n'interprétais pas le hadith de la femme esclave, ce serait alors un propos arbitraire, c'est-à-dire une parole sans preuve. Tu vas interpréter quand tu veux, et vas interpréter quand tu veux. Donc, il faut une règle, d'accord, d'interprétation. Il faut, selon la langue arabe, selon la raison et selon les textes confirmés. Selon ces choses-là pour interpréter. Et tu serais alors concerné par la parole de Allah, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Ce qui signifie, croyez-vous donc en une partie du livre tout en rejetant une autre. Et de même que dis-tu à propos de donc sa parole ta'ala, فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Si, ici ça veut dire Ibn Abbas il a dit, ça veut dire où que tu te diriges il y a une qibla agréée par Dieu. Wajh ici c'est la qibla qu'il a dit Ibn Abbas quand quelqu'un il fait la prière sur la monture. Et s'il prend son sens apparent, il va dire où que tu te diriges il y a Dieu. Si donc tu l'interprètes autrement que par le sens qui vient communément à l'esprit, alors pourquoi n'interprètes-tu pas le hadith de la femme esclave? Il a été rapporté à propos de l'exégèse de cette ayah de Mujahid, l'élève de Ibn Abbas, la qibla agréée par Allah. Il a donc expliqué al-wajh par la qibla, à savoir la qibla pour la prière surérogatoire pendant le voyage sur une monture. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقنا واسعا وشفاء كرداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات